mais qui sont tous morts. Il est dit, après Abimélec, verset 1, Tola, fille de Pua, fille de Dodo, homme d'Issacar, s'éleva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Mais on dit, il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut. Donc nous devons reconnaître qu'un jour nous mourrons. Quelqu'un régnait 23 ans, on dit, puis il mourut. Il n'a pas emporté les maisons, les richesses qu'il avait avec lui. Et on dit, il fut enterré à Shamir. Et après lui, on parle d'un certain Jaïr, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Et on parle même de ses richesses. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux. Donc c'est l'équivalent aujourd'hui des gens qui ont des biens. On peut dire quelqu'un qui avait 30 fils, qui avait 30 voitures, qui avait 30 villas. Tu peux avoir autant de villas, autant de voitures. Tu changes toutes les marques. Néanmoins, sache que un jour tu mourras. Tu dois te préoccuper de ta destinée. Tu dois te poser la question de savoir où passeras-tu ton éternité avec Dieu. Il est dit, cet homme mourut. Verset 5, Jaïr mourut et il fut enterré à Camon. Il n'y a que Dieu seul qui ne meurt pas. Il est le même. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Deuxième vérité, nous devons reconnaître que chaque fois que nous abandonnons l'Éternel, c'est nos ennemis ou l'ennemi qui prend le dessus sur nous. Frères et sœurs, je vais parler à toi, regarde bien, tu étais zélé, tu étais engagé. Lorsque tu jeûnais, lorsque tu passais du temps dans la prière, lorsque tu marchais dans la sanctification, dans la pureté, les choses que tu vis là ne venaient pas. Regarde, depuis un certain temps, tu tombes malade régulièrement. Tu dois te poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tout est mélangé dans ta vie, ton commerce ne marche plus. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que n'as-tu pas donné l'avantage à l'ennemi? Vous voyez, chaque fois que nous abandonnons Dieu, nous nous détournons de lui, nous nous livrons dans les péchés, Dieu nous livre entre les mains de nos ennemis, tu vois. Le problème n'est pas du côté de Dieu, mais c'est nous. Il est dit ici, au verset 6, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés. » Les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux d'Amon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel, ne servirent plus. Verset 7. Conséquence. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des filles d'Amon. Et qu'est-ce que les ennemis ont fait? Il y a deux verbes ici. Verset 8, on dit, ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël. Peut-être que toi, tu m'entends, tu es opprimé. Tu ne dors plus bien. La nuit, tu es toujours, tu fais des cauchemars. Tu n'as plus de repos. Tu as donné l'avantage à l'ennemi. Regarde, depuis que tu as connu cet homme, vous étiez sortis ensemble. Tu ne vois pas que ta vie est mélangée parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi. On dit, les ennemis écrasèrent les enfants d'Israël. Ils les opprimèrent. Tu vois, l'origine de tes oppressions, ça vient du fait que tu as péché, tu es tombé dans les péchés, tu as abandonné l'Éternel. À cause de l'argent, tu as pris l'argent de ce monsieur, tu as pris l'argent de cette dame-là, alors qu'elle est dans le mysticisme, il est dans le mysticisme. Tu ne sais pas que tu t'es livré entre les mains de l'ennemi. Il est dit au verset 9, les filles d'Amon passaient le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Quelle est l'origine de la détresse? Peut-être que toi qui m'entends, tu es dans une grande détresse, au point où tu te dis, tu ne comprends plus rien. Troisième vérité, la solution pour que Dieu nous délivre de nos ennemis, c'est la repentance. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, il y a des gens qui font des prières d'autorité. Tu dis, je prends autorité sur cet esprit, sur sirène des eaux. Mon ami, tu ne peux pas avoir le dessus sur la sirène des eaux si tu ne te repens pas d'abord de tes péchés. C'est quelle prière d'autorité? Tu vas de veiller en veiller, mais ta situation ne change pas. Mais sans la repentance là, ta situation ne changera pas. Qu'est-ce qu'on appelle la repentance? La repentance, c'est le fait de reconnaître ce péché. Ce que tu as fait là, tu dois dire, Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai commis une impudicité. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai triché. Seigneur, j'ai pratiqué les œuvres de sorcellerie, de fétiche. Tu dois les reconnaître. Et quelquefois, il faut les reconnaître devant un homme de Dieu. Pour qu'on puisse prier pour toi. Est-ce que tu comprends? Ce que tu as caché depuis longtemps là, il faut que tu les reconnaisses. Tu avoues. Tant que tu cacheras cela, tu ne peux pas connaître la vraie délivrance. Est-ce que tu comprends? Il est dit au verset 10. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Vous voyez, la repentance commence par la confession. Nous avons péché. C'est-à-dire, tu reconnais. Tu ne te justifies pas. Tu dis, j'ai péché. Je veux parler à quelqu'un, mon ami. Pourquoi toi, tu n'aimes pas reconnaître tes fautes? Même quand tu as fait de mal à ton épouse, tu ne veux pas reconnaître. Non, humilie-toi. Regarde comment tu as perdu ton travail. C'est à cause de ton comportement. Reconnais ce que tu as fait. Le Seigneur te demande de te repentir et il va te relever. Il faut dire, j'ai péché, j'ai mal fait. Quand on parle de la repentance, il faut aussi poser des actes dignes de repentance. Il est dit au verset 15, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira, seulement de nous délivrer aujourd'hui. Et le verset 16 dit, et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des monts d'Israël. Il y a des moments où Dieu attend que tu poses des actes de repentance. Mon ami, regarde, toi tu confesses toujours, Seigneur pardonne-moi l'impudicité. Mais la semaine prochaine, tu reviens dans les mêmes choses. Tu te manques de Dieu? Non, on ne se manque pas de Dieu. Lorsque tu te répands, tu dois abandonner certaines choses. Tu dois même refuser l'argent. Je vais parler à une jeune sœur. Écoute-moi bien. Si tu veux rompre avec ce monsieur-là qui te propose l'argent, avec qui tu sors, il faut maintenant refuser. Même le portable qu'il t'a proposé là, il faut refuser. C'est ça la repentance. C'est repentir pour des actes. Si tu as des choses d'idolâtrie, tu as des canaries sur toi que tu portes là, tu dois t'en débarrasser, tu dois les apporter comme les boules, les livres mystiques qu'on t'a donnés. Toi qui es dans le mysticisme, quand tu dis que tu te répands là, tu dois te débarrasser de tous ces livres. Ça fait longtemps, tu gardes des choses dans des mal, on a dit que c'est pour te protéger. Et tu vois que ta situation s'empire, la situation de ta maison s'empire. Tes enfants qui réussissaient aux études commencent à connaître des échecs. C'est à cause de ces choses-là, parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi. Repends-toi, débarrasse-toi de toutes ces choses. Enlève ces choses de ta maison et tu verras que le Seigneur te délivrera. Oh, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions le louer en chantant ces cantiques. Je sens renaître mes espoirs, je me réveille. et mon âme ne peut te dire, je suis servi. Je viens t'adorer dans ces lieux dorés, je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. Arrosé de ta présence me rassure, et ton amour me libère de mes blessures. Je me sens renaître et tout mon être voudrait reconnaître en toi, Seigneur Jésus, les divins maîtres. De ta présence me rassure, et ton amour me libère de mes blessures. Je me sens renaître et tout mon être voudrait reconnaître en toi, Seigneur Jésus, les divins maîtres. Gloire au Seigneur, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Ensemble, élevons nos voix, bénissons l'Éternel. Il est le Dieu de délivrance, il est le Dieu de compassion. Te bénissons, Éternel, notre Dieu, toi le Dieu qui nous relève quand nous nous repentons. Tu es le Dieu de notre salut, notre délivrance, toi. Sois béni, notre Père, notre Seigneur, toi le Seigneur de gloire, le Dieu vivant. Sois magnifié, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi nous bénissons ton nom en ce moment. Nous te glorifions. Ô notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance, tu es celui qui a délivré dès les temps anciens et tu es le même, tu le fais encore aujourd'hui. Merci pour l'esprit de repentance que tu envoies au milieu de ton peuple afin que nous puissions encore bénéficier de ta grâce. Ô sois béni notre Père, notre Seigneur, le Père de gloire, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur pour ta bonté. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que notre émission s'appelle OSB, Opération sous la brèche. Si cette émission vous fait du bien, parlez-en à quelqu'un d'autre. Partout dans le monde, vous pouvez nous suivre sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Le passage du jour, c'est Juges chapitre 10, verset 1 à 18. Nous venons de voir la brièveté de la vie. Les hommes passent. Les rois de ce monde passent. Ils peuvent régner 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais néanmoins, ils passeront, ils mourront. Mais Jésus-Christ reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons prier l'Éternel afin qu'il nous rende conscients de cette réalité et que nous ne puissions pas nous accrocher aux hommes, que nous puissions nous accrocher à lui et que nous puissions préparer notre éternité avec lui. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Très excellent Père, ce matin je te bénis et je te glorifie. Je te bénis et je te glorifie, ô Père éternel, parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Je te rends grâce et je te bénis ce matin, ô Père éternel, parce que lorsque je m'endors, tu veilles sur moi. À mon réveil, tu veilles sur moi. Tout au long de la journée, tu veilles sur moi. Lorsque j'ai l'esprit abattu, tu es avec moi et tu me relèves. Que ton nom soit béni et glorifié. Ce matin, je prie, ô Père, dans le nom de Jésus, Christ, que cette relation que j'ai avec toi, cette communion que j'ai avec toi, soit constante et permanente. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu me donnes la force, que tu me donnes le zèle, que tu me donnes l'intelligence pour pouvoir bien préparer l'éternité avec toi. Seigneur, je sais qu'il n'y a rien en dehors de toi. Je sais que par ton Fils Jésus-Christ, mon éternité est garantie. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'on toute forme de sabotage à mon engagement. Je prie contre toute opposition satanique. Je déclare dans le nom de Jésus que l'engagement que j'ai pris de marcher avec toi est scellé dans le sang de Jésus-Christ et que lors de ma marche avec toi, mon engagement sera toujours constant. Renouvelle mes forces, renouvelle mon zèle, ô Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Parle-moi chaque fois que je me tourne vers toi et soutiens-moi par ton Esprit Saint. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que chaque fois que nous abandonnons l'Éternel, nous donnons l'avantage à l'ennemi. C'est ainsi que l'ennemi peut nous opprimer, il peut nous écraser. Nous allons prier. Si toi, peut-être que tu vis une situation difficile, tu vas prier pour que Dieu t'aide à revenir à lui et que l'Éternel puisse te délivrer de tes ennemis, que tu puisses reconnaître là où toi-même tu as donné l'avantage à l'ennemi et que l'Éternel puisse te délivrer de tout ce qui t'opprime, de tout ce qui t'écrase au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, à qui irons-nous si ce n'est vers toi qu'il y a les paroles de la vie éternelle? c'est toi qui nous as sauvés, qui nous as libérés, qui s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis, qui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Qui peut nous séparer de ton amour? Est-ce que c'est la mort, c'est la nudité, c'est l'épée, c'est la faim, c'est la solitude, ce sont les épreuves? Je pense que non. Mais malheureusement, dans nos milieux, Seigneur, beaucoup sont retournés, beaucoup ont abandonné la foi, beaucoup se sont découragés. Nous te supplions ce matin, et que nous connaissons la finalité de ce retrait. Seigneur, nous voyons l'exemple de la femme de Lot. Seigneur, nous ne voulons pas te désobéir pour des choses éphémères, des choses sans importance dans ce monde. Seigneur, nous crions vers toi que t'abandonner, nous allons à la perte et l'ennemi risque d'avoir un pouvoir sur nous. Nous prions que tes enfants reviennent, qu'ils prennent conscience et reviennent ensemble. Nous allons te louer, nous allons t'adorer, nous allons te célébrer. Permets à tes enfants de revenir. Louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de parler de la repentance. Souvent, quand on parle de repentance, il y a des gens qui demandent pardon à Dieu, mais ils reviennent sur les mêmes choses. Ils ne se repentent pas. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que ça fait longtemps que tu vis dans une situation irrégulière. Tu ne peux pas te débarrasser de certains péchés. Demande à Dieu la force. Que Dieu te donne la capacité de prendre une résolution, de renoncer, de poser des actes dignes de repentance. S'il faut même te débarrasser de certaines relations, même si ça te procure du bien, que tu puisses le faire. S'il faut renoncer aux avantages de ce monde pour que le Seigneur puisse te bénir, fais-le. Prions le Seigneur qu'il nous donne le courage de poser des actes dignes de repentance au nom de Jésus. Céleste, au nom de Jésus, nous venons à toi parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu vrai, saint est ton nom. Et ce matin, tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous instruis et tu veux que nous ne cachions point nos transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous voulons obtenir miséricorde, Seigneur. C'est pour cela, je te prie de nous aider à nous repentir sincèrement, à abandonner certainement ce qui nous donne de l'argent injustement, cette relation dans laquelle nous tirons profit humain, profit des hommes. Ô Dieu, je prie que tu nous aides à prendre une décision qui t'honore, à faire le choix de marcher dans la pureté, à renoncer, comme Paul pouvait dire, je renonce à ce monde. Seigneur, donne-nous de renoncer aux œuvres, aux propositions malsaines qui perturbent nos pensées, nos vies, notre relation avec toi. Ce matin, Seigneur, aide-nous à être courageux, à dire non, à progresser avec toi. Car en s'attachant à toi, il y a des grandes bénédictions. Merci d'appeler quelqu'un à la repentance vraie et de reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur et d'avoir les yeux, les pensées, les idées sur son Sauveur, afin de recevoir toute bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que le dimanche, nous aurons notre réunion bonheur conjugal pour les célibataires, où nous allons poursuivre notre thème que nous avons développé la fois dernière. Comment triompher par la foi. L'entrée est libre, toujours à 17h, au supper. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la